En approchant de Lausanne, je rêvais à la détresse où je me trouvais, au moyen de m'en tirer, sans aller montrer ma misère à ma belle-mère, et je me comparais, dans ce pèlerinage pédestre, à mon ami Venture, arrivant à Annecy. Je m'échauffais si bien de cette idée que, sans songer que je n'avais ni sa gentillesse, ni ses talents, je me mis en tête de faire à Lausanne le petit Venture, d'enseigner la musique, que je ne savais pas, et de me dire de Paris, où je n'avais jamais été. En conséquence de ce beau projet, comme il n'y avait point là de maîtrise où je pusse vicarier, et que d'ailleurs je n'avais garde d'aller me fourrer parmi les gens de l'art, je commençai par m'informer d'une petite auberge où l'on put être assez bien et à bon marché. On m'enseigna un nommé Perrotet qui tenait des pensionnaires. Ce Perrotet se trouva être le meilleur homme du monde et me reçut fort bien. Je lui contai mes petits mensonges comme je les avais arrangés. Il me promit de parler de moi et de tâcher de me procurer des écoliers. Il me dit qu'il ne me demanderait de l'argent que quand j'en aurais gagné. Sa pension était de 5 écus blancs, ce qui était peu pour la chose, mais beaucoup pour moi. Il me conseilla de ne me mettre d'abord qu'à la demi-pension, qui consistait, pour le dîner, en une bonne soupe et rien de plus, mais bien à souper le soir. J'y consentis. Ce pauvre Perrotet me fit toutes ses avances du meilleur cœur du monde et n'épargnait rien pour m'être utile. Pourquoi faut-il qu'ayant trouvé tant de bonnes gens dans ma jeunesse, j'en trouve si peu dans un âge avancé? Leur race est-elle épuisée? Non, mais l'ordre où j'ai besoin de les chercher aujourd'hui n'est plus le même où je les trouvais alors. Parmi le peuple, où les grandes passions ne parlent que par intervalles, les sentiments de la nature se font plus souvent entendre. Dans les états plus élevés, ils sont étouffés, absolument, et sous le masque du sentiment, il n'y a jamais que l'intérêt ou la vanité qui parlent.